culturé, contaminé, coupé, culpabilisé, découpé, désassemblé, dicté, désinformé, entré, éjecté, éructé, influencé, manipulé, mélangé, pactisé, pacté, pollué, ramaché, recousé, répété, resté, bouclé, santé, mais surtout, 1 000 milliards de 1 000 sabots de clofenam, imprimez-moi ces foutus traités.